الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue avec la biographie du prophète عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Et la semaine dernière, on s'était arrêté avec la bataille de Khaybar, et on avait rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam, ce fut pour lui ainsi que les compagnons, yani une victoire. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'a-t-il fait de ces juifs qui vivaient à Khaybar? Est-ce qu'il les a tués? Est-ce qu'il les a décapités? Est-ce qu'il les a séquestrés? Est-ce qu'il les a emprisonnés? Qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam avec les juifs de Khaybar qui se sont rebellés plus d'une fois, qui ont provoqué le prophète alayhi salatu wassalam plus d'une fois, et qui ont rompu de nombreux pactes avec le prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est relaté dans beaucoup de hadiths ou ahadiths authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, vivez en paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été traité à travers certaines caricatures de terroristes et je ne sais quoi encore, leur a dit, vivez en paix. Il leur a proposé de quoi? De vivre en paix. Mais avec une condition et une clause. Et cette clause était que quoi? Ici, on avait rappelé qu'ils étaient réputés quant au fait d'être de grands commerçants, et ils labouraient la terre, et à travers le fait qu'ils travaillaient la terre, ils ont gagné beaucoup de richesses, ils ont accumulé beaucoup de richesses. Le prophète alayhi sallam, il a dit, concernant vos récoltes, la moitié pour nous, la moitié pour vous, une sorte d'impôt pour qu'ils puissent vivre ici en paix avec le prophète alayhi sallam, avec sahaba, et ici en pratiquant leur religion comme bon leur semble. Donc ils avaient droit non seulement de vivre ici en paix, mais en pratiquant leur religion, le judaïsme, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, bien qu'ils aient provoqué l'islam, bien qu'ils aient provoqué le prophète, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, le prophète alayhi salatu wassalam leur a laissé ici le choix de vivre en paix et pratiquer leur religion. Parmi les événements aussi qu'il y a eu lors de la bataille de Khaybar, il y a un hadith rapporté par al-Bukhari, où Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa ana abi a dit, on n'a jamais mangé à notre faim, si ce n'est le jour de la prise de Khaybar. Depuis qu'ils ont pris Khaybar, pourquoi? Car ils ont pu ici prendre le butin. Et on avait rappelé que les juifs qui étaient à Khaybar étaient très riches. Ils ont dit, c'est à ce moment-là, à partir de cette conquête, qu'on a pu commencer à manger à notre faim. Parmi les événements, aussi à la bataille de Khaybar qu'il y a eu, il y a eu ici le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit définitivement ce qu'on appelle al-mut'a, le mariage temporaire. Le mariage temporaire qui était légalisé à l'islam, et ou plutôt au début ici de la prophétie, et au début de l'islam, le mariage temporaire était autorisé. C'est-à-dire qu'une personne faisait un mariage et contractait un mariage, un aqd, aqd al-nikah, ici temporaire, pendant par exemple 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, avec une femme qu'il désirait. Donc à ce moment-là, il n'y avait aucun mal, ils étaient dans un contrat où ils étaient encadrés par un contrat légiféré, licite en islam. Ceci a été abrogé, ceci a été annulé lors de cet événement-là, ou après la prise de Khaybar, et le prophète alayhi salatu wassalam, dans de nombreux hadiths authentiques, l'a annulé catégoriquement. Contrairement à ce que disent al-Shi'a, les chiites, qui eux-mêmes, ou si ce n'est la plupart d'entre eux, ils pratiquent encore ce qu'on appelle al-Mut'a, le mariage temporaire, et ceci est interdit. Parmi les événements aussi, il y a eu le mariage avec Safiya, radiyallahu anha wa ardaha. Safiya, c'était la fille d'un grand chef de tribu, ici qui n'était pas bien sûr musulman, et ici elle a été capturée. Et cette fille-là a été capturée par le prophète alayhi sallam, c'est que sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et le prophète alayhi sallam lui a laissé le choix. Il lui a dit, ou tu te maries avec moi, ou bien on te libère et tu pars. Tout de suite elle a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Pourquoi Safiya a attesté directement que le prophète alayhi salatu wassalam était certes l'envoyé et le serviteur d'Allah azza wa jalla, et qu'Allah était unique, elle a embrassé l'islam. Car depuis des années et des années, elle entendait parler du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un hadith, ou plutôt il est cité dans le Bidaya wa Nihaya, ici de Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, et Zadul Ma'ad ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala, le récit où Safiya a rappelé que la veille de la prise de Khaybar, elle a fait un rêve. Et elle a raconté ce rêve à son mari, à son premier époux. Elle lui a raconté ce rêve. Ce rêve-là a coûté à Safiya, yani que son mari la frappe et lui laisse une trace rouge sur le visage. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui avait interrogé quant à cette trace rouge qu'il y avait sur son visage. Et le récit est le suivant. Ici, alors que personne n'était averti de son approche, elle avait vu dans un rêve une lune brillante au-dessus de Médine. Puis cette lune s'était déplacée au-dessus de Khaybar et était tombée dans son sein. Lorsqu'elle avait raconté son rêve à son mari, il s'était fâché et l'avait giflé en lui disant, tu veux donc épousé ce roi du Hijaz et la trace est restée sur son visage, radiyallahu anha wa ardaha. La dot, al-mahr. Ici, la dot qui fut donnée à Safiya, radiyallahu anha wa ardaha, fut ici sa libération, comme ont rapporté al-ulama rahimahumullahu jami'an. Le prophète lui a proposé de quoi? De la libérer. C'était sa dot. Donc elle était entre les mains du prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit, la dot c'est ta libération, elle a accepté. Et le prophète alayhi salatu wasalam a célébré le mariage sur le chemin du retour. Et Anas radiyallahu anhu arda, comme il le relatait dans le Bukhari, a dit, j'allais inviter les musulmans au repas de noces et comme il n'y avait ni pain ni viande, le prophète alayhi salatu wasalam ordonna d'étendre les nappes et d'y placer les dattes, du fromage et du beurre. Tel fut le repas de noces donné pour Safiya, radiyallahu anha wa ardaha, cette grande femme qui a marqué l'histoire avec la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Leur noce fut ici une simple, ou composée d'une simple natte, ici où il y avait du pain et ou plutôt du fromage, des dattes et du beurre. Voilà le mariage du prophète avec Safiya, radiyallahu anha wa ardaha, contrairement aux grands mariages et aux excès qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Tu n'es pas mieux que le prophète, ton épouse n'est pas mieux que Safiya, donc un peu de quoi? At-tawadu, de modestie, c'est le moins qu'on puisse dire, et éviter le gaspillage, c'est le moins qu'on puisse dire, et ceci, les célébrations partent, ou qui partent plutôt à Afwan Alexé, mériteraient plus d'un cours ou plus d'une conférence. À la Kulihal, la moindre des choses, rappelle-toi que tu n'es pas mieux que le prophète et que ton épouse n'est pas mieux que Safiya, et ils ont vécu dans le bonheur, et pourquoi pas, alors que les deux se sont réunis, au nom de quoi? Au nom de l'islam. Donc pourquoi ici faire autant de gaspillage alors qu'on veut tous goûter au bonheur à travers notre mariage? Et malheureusement au jour d'aujourd'hui, après les mariages qui sont accompagnés de choses détestables, illicites, qui engendrent quelquefois la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, regardez les résultats, divorce sur divorce dans la communauté. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayn. À l'époque du prophète, ou à l'époque afin du califat de Omar ibn al-Khattab. Donc, on avait dit que al-Yahoud, les juifs, vivaient en paix. Ils pratiquaient leur religion. Donc, est-ce que ceci est légiféré? Si on était dans un état islamique, et il y avait des juifs qui vivaient dans cet état islamique, est-ce qu'on est obligé de les emprisonner, de les tuer, de les chasser? Abadan, il y a des contrats. Ils respectent ces contrats. On n'a pas le droit de les priver de pratiquer leur religion, si les contrats sont respectés. Voilà que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a proposé de vivre en paix. Mais ce sont eux qui n'ont pas voulu, comme on le verra ensuite, par la suite, incha'Allah ta'ala. Tandis qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, pourquoi ces juifs ont été chassés de Khaybar? Pourquoi les juifs ainsi que les bédouins qui causaient du tort aux musulmans? Les bédouins, c'était des gens qui étaient très éloignés, ce qu'on appelle al-Arab, qui étaient très éloignés des villes. Et dû au fait qu'ils étaient très éloignés des villes, ils étaient très ignorants, et ils étaient réputés pour être des gens très durs, quelquefois même un peu sauvages. Et c'est pour ça que ces bédouins ont causé beaucoup de tort aux musulmans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient ici en dehors ou dans la... à côté de la ville ou à la sortie de la ville, et dès qu'il y avait des passants quelquefois, c'était ce qu'on appelle, si on veut, des pirates de la route. Ils saisissaient toutes les richesses qu'ils avaient, etc. Ils leur faisaient du mal, ils leur causaient du tort, ce qui existe encore au jour d'aujourd'hui dans les pays, même arabes ou les pays musulmans, il existe toujours ces pirates de la route. Ala kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam, ici leur avait mis des contrats, des clauses, c'est-à-dire d'arrêter de cesser, que ça soit pour les bédouins ou que ça soit pour les juifs, c'est-à-dire cesser toute injustice, le fait d'opprimer les gens. On sait tous que l'injustice, c'est ténèbres au jour de la résurrection. Lakin, ils n'ont pas cessé. Ils n'ont pas voulu cesser, ces bédouins. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, lors de son califat, s'est occupé d'eux et s'est occupé des juifs qui étaient à Khaybar. Pourquoi? Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, les avait laissés. Rapporté par al-Bukhari wa Muslim, il est rapporté qu'à l'époque du califat de Omar ibn al-Khattab, il décida de les chasser après qu'ils ont tué un homme des Ansar et qu'ils aient brisé les deux mains de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu wa an abi. Omar a dit, là, c'en est de trop, on vous chasse ici de Khaybar. Et voilà que Omar leur a déclaré, ici, à cette époque-là, la guerre. Et c'était de même pour les idolâtres, ici qui faisait partie des bédouins et qui ne cessèrent de déclarer la guerre à tous ceux qui prenaient ici une caravane pour se déplacer ou qui prenaient la route. Donc ici, la prise de Khaybar, on en a parlé. Étape par étape. Le prophète alayhi salatu wassalam ne brûlait jamais ce qu'on appelle les étapes. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en combien de temps? 6 jours. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé en une journée? قال العلماء, c'est les savants qui l'ont fait. ou plutôt qu'ils l'ont dit afwa. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que, il rappelle que quoi? Les choses doivent être faites par étapes. Mais si Allah veut quoi que ce soit, il dit quoi? Kun fayakun, soit et c'est. Certains savants ont dit, il n'a même pas besoin de dire soit, mais c'est pour que nous, êtres humains, on comprenne. Kun fayakun. Allah azza wa jalla a créé les cieux et la terre en 6 jours. Pour nous rappeler que toute chose se fait par étapes. Al-ajalatu minash shaitan kama qala alayhi salatu wassalam. La précipitation vient de shaitan. Dans les choses mondaines, doucement, calme-toi, te précipite pas. Dans les accomplissements, yani des pratiques religieuses, wastabiqul khayrat kama qala jalla wa ala. Ou qala jalla wa ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum al-ayat. Allah azza wa jalla dans les choses religieuses, les pratiques religieuses, il nous rappelle qu'on se doit de se précipiter. Pourquoi? Doucement, mais sûrement si tu veux. C'est mieux que quoi? Précipitamment, mais ici, sans être sûr de toi et sans avoir aucune conviction en faisant n'importe quoi. Ça, on est d'accord. Lakin, quand il y a des actes obligatoires dans la religion, où Allah et le prophète alayhi salatu wassalam nous ont imposé de les accomplir obligatoirement, il n'y a pas de étape par étape. À titre d'exemple, quelqu'un va rentrer dans la religion, est-ce que tu as le droit de lui dire, « Chouvi akhil habib, toi tu es nouveau dans la religion. » Donc maintenant tu fais salat al-dhur et salat al-asr, salat al-subh c'est trop dur pour toi, al-maghrib al-isha c'est trop dur. Après, étape par étape, abadan. Ya akhi al-habib, Allah azza wa jal nous a ordonné d'accomplir 5 prières obligatoires par jour. Tu fais subh, al-dhur, al-asr, al-maghrib, al-isha. Amma al-nawafil, va doucement ya akhi al-habib, tu es encore loin des surérogatoires. Ici, prends l'habitude de faire tes prières obligatoires, ensuite étape par étape, y a pas de problème. Dans ad-da'watu ila Allah, va tout doucement, mais dans les pratiques obligatoires, les actes d'adoration obligatoires, ici, il n'y a pas de étape par étape. Ala kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam, dans son organisation quant à sa da'wa, sa prédication, il allait étape par étape. Étape par étape, et il agissait avec ce qu'on répète, et je ne cesserai de répéter, avec hikmah, avec sagesse. Wad'u shay ala al-wajhi alladhi yanbaghi wa fil waqti alladhi yanbaghi, alayhi salatu wassalam. Faire ce qu'il faut avec une traduction approximative de la manière qu'il faut et wa fil waqt alladhi yanbaghi, au moment qu'il faut, au moment qu'il faut. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le premier pacte qu'on avait parlé, mais sulh al-hudaybiyah, on avait parlé de ce pacte de réconciliation si on veut avec al-hudaybiyah. Rappelez-vous que quand il a fait ce pacte avec Quraysh, qu'est-ce qu'il avait dit? Bismillahir Rahmanir Rahim. Et qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Abadan. On connaît Allah, mais on connaît pas Ar-Rahman. Donc, écrit Bismikallahumma. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? C'est pas grave, ya Ali. Uktub Bismikallahumma. Alayhi salatu wassalam. Il savait que quoi? Maintenant, il y avait quoi? Il y avait plus important. Tout est important dans la religion. Pas des plus sûrs dans la religion, wal'iyadu billah. Là, qu'il y a le plus important et le moins important. Faut graver ça dans les cervelles. Clair? Deuxième des choses. Le prophète, il a dit de Muhammad, alayhi salatu wassalam, l'envoyé d'Allah. Il dit, comment ça? Si on savait que toi, tu étais envoyé d'Allah, Ar-Rasoul, un envoyé, ici, on t'aurait pas chassé, on t'aurait pas empêché de faire le pèlerinage. Écrit Mohammed, ici, fils de Abdullah, Mohammed ibn Abdullah. Il dit, Ali radiyallahu anhu arda, ils devaient écrire ça, ils avaient mal, les sahaba, Omar, ils voulaient pas, ils avaient mal. Le prophète alayhi salam, il a dit, écrit, c'est pas grave. Lakin, regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait que ça, pourquoi? Il a ouvert la porte à quoi? Ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Khalas, maintenant on a quoi? On a besoin de quoi? Ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a utilisé ad-da'watu ila Allah azza wa jalla ici lors de la guerre et lors des réconciliations, lors de la paix, lors des combats, toujours il utilisait ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. On se rappelle à Khaybar, le prophète alayhi salatu wa salam, لما أرسل علي رضي الله عنه وأرضاه بالراية avec l'étendard, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Ali, va prendre al-raya, l'étendard, et combattre les Yahoud fi Khaybar. Abadan, qu'est-ce qu'il a dit? Ud'uhum ila al-islam, appelez à l'islam. Alors que ça c'est le combat, là on est dans le harb, ça on est dans le combat, il est dans le combat. Il a dit, ça ikhlas, quelqu'un ici qui aime Allah et son messager, qu'Allah azza wa jal et son messager l'aime, va prendre al-raya. C'était qui? Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وأرضاه. Est-ce qu'il lui a dit, idhhab, ici, va et combat-les et tue-les? Le prophète alayhi salatu wassalam, ayyuhal ahbab, qu'est-ce qu'il lui a dit? Appelle-les à l'islam. Invite-les à l'islam. Explique-leur c'est quoi la religion. Les savants, ils ont dit quoi? Regardez, le prophète, il a jamais délaissé ad-da'watu ila Allah hatta fi waqtil harb. Même au moment, à l'heure du combat. Alayhi salatu wassalam. Nous, même quand on ici, il n'y a aucun combat, on est dans la sécurité, on est dans la sérénité, on vit en paix. Ici, alhamdulillah, avec les musulmans, avec les non-musulmans, on a quoi? Al-kasal. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal kama qala alayhi salatu wassalam. Prophète, il faisait du'a, il demandait protection auprès d'Allah Azza wa Jalla contre quoi? Contre l'incapacité et la paresse. Contre la paresse, al-kasal. Nous on est fainéants, illa man rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ad-da'watu ila Allah, c'est une chose qu'on répète souvent. Pourquoi? C'est la cause qui a fait qu'Allah a fait que cette communauté soit la meilleure des communautés suscitées pour les gens. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. C'est ça les choses qui font qu'on a été la meilleure des communautés suscitées pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah wahdah, l'unique, sans rien lui associer subhanahu wa ta'ala. Lakin quand on délaisse da'watu ila Allah azza wa jal, on voit que quoi, à une certaine époque, peut-être que la communauté vivra l'humilité comme nous au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Malheureusement, la plupart des musulmans, wallah, ils ont délaissé ad-da'watu ila Allah. Lakin ce qu'on sait, c'est que jusqu'au jour de la résurrection, le bien dans cette communauté restera. Allah l'a dit dans le Coran al-Karim. Lakin malheureusement, ici, quand on goûte à l'humilité, et quand on goûte à la division dans la communauté, parmi les causes principales, min al-asbab, parmi les causes, il n'y a pas qu'une cause, parmi les causes, c'est que quoi? On a délaissé ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. L'égoïsme. Pourquoi? Parce que si tu appelles ton frère à Allah azza wa jal, si tu appelles ta sœur à Allah azza wa jal, est-ce que ça c'est une preuve de l'union? C'est une preuve de l'union. C'est ça qui va te rapprocher de ton frère et de ta sœur. Mais si toi tu délaisses da'watu ila Allah, lui il délaisse ad-da'watu ila Allah, ça c'est une preuve de quoi? Et c'est une des causes de quoi? La désunion. C'est la cause de la désunion. Qu'est-ce qui nous rapproche? Ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. T'appelles ton frère à Allah, il t'appelle à Allah. C'est pas toujours dunya. Tiens, j'ai un commerce pour toi. Tiens, j'ai un plan pour toi. Tiens, j'ai un ceci, cela. Subhanallah. Ya akhi al-habib, ça c'est autorisé. Là qu'il y a des limites. Mais un peu ici, mais où rend cette dunya comme du sel dans l'aliment. Comme du sel dans l'aliment. Mais ne fais pas l'inverse. Ne rend pas cette religion comme du sel dans l'aliment. Rends cette dunya, mets un peu de sel, pas de problème. Mais ce qui nous importe, c'est quoi? C'est l'aliment principal, c'est ce qui va te nourrir, c'est ce qui va te donner de la force, c'est quoi? C'est l'islam. Amma dunya, il n'y a pas de problème. Wala tansa nasibaka min ad-dunya kama qala subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas ta part de dunya. Lakin il y a ici un juste milieu à avoir. Le prophète il n'a jamais délaissé ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a vu qu'ils ont refusé de mettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa. Il ne parle pas poussé par ça, par sa passion. Il a dit c'est pas grave. Il voyait loin. Nous maintenant on voit quoi? On voit deux jours devant. On voit un jour. Qu'est-ce qui va arriver dans trois jours? Regarde, le prophète il voyait très loin. Il pensait à lui, à sa communauté, à sa descendance. À sa descendance, non. Je mets d'abord à sa descendance. Il pensait aussi à sa communauté. À sa communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans de nombreux hadiths, il pleurait, il disait quoi? Ummati, ummati, ummati. Il disait ma communauté, ma communauté. Regardez, il pensait à des générations et des générations. Nous, quelquefois, quand on fait un projet, on pense à peine à une semaine. Il faut voir loin pour le bien de la communauté, pour le bien de la umma. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, regardez alayhi salatu wassalam, il savait très bien qu'à partir du moment où la voie était libre pour da'watu ila Allah, il ne pouvait avoir que quoi? Khayr ala khayr. Du bien sur du bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu l'apaisement. Khalas, les juifs, ils sont là. Ils vivent, ils veulent vivre. Ils cultivent la terre, ils cultivent la terre. Ils veulent pratiquer la religion, pratiquez votre religion. Khalas. Quraysh, ils sont Quraysh, les arabes. Khalas, on les a calmés de l'autre côté. Regardez, ils calment tout le monde. Pourquoi? C'est pas le moment d'attirer la guerre ou la haine envers soi. À quoi ça sert? Calme tout le monde. Il a calmé les Quraysh. On a fait un pacte. On a fait des sacrifices. Al-maslaha. L'intérêt. L'intérêt général de quoi? De la communauté des musulmans. Il y a plus de bien. Khlas. On les a calmés. Donc, il a calmé tout le monde. Maintenant, il se dit quoi? Khlas. On a calmé tout le monde. Maintenant, notre arme, c'est quoi? Ad-da'watu ila Allah. Bismillah. Vous nous avez interdit de mettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a appelé ici ses secrétaires. Écrivez. Maintenant, on va envoyer des lettres et inviter tout le monde à l'islam et à leur tête, les têtes, al-ru'asa, al-muluk, les rois, les têtes, les gouverneurs, les empereurs. On va taper à la tête et on va inviter tout le monde à l'islam. Où il y a qu'on a le droit de faire da'wah, pourquoi on va rester dormir? La preuve que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire da'wah. C'est vrai ou pas? C'est donné à tout le monde de faire da'wah. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi le prophète a fait tous ces sacrifices? Parce qu'il savait que ça vaut énorme ad-da'wa pour celui qui a compris c'est quoi ad-da'watu ila Allah. Il savait la valeur de da'wa. Il savait que s'ils avaient cette porte ouverte, khlas, ici le secours serait très proche. Comme au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, ils aimeraient faire da'wa, dans certaines contrées, dans certains endroits, juste da'wa. Pas appeler à la guerre, pas, non. Aimer Allah et son messager. Juste simplement inviter les gens à quoi? À adhérer à l'islam. Wallah, ils peuvent pas. Et s'ils le font, peut-être ils se font agresser ou torturer. Ça existe. Toi, Allah, il t'a ouvert les portes, ya akhil habib. Pour faire da'wa, tu restes dormir. C'est une opportunité. Le prophète, quand il a vu que tout le monde était calmé à da'wa, khlas, écrivez. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, il n'y a plus bismikallahumma. Maintenant, le prophète, il l'a écrit lui-même. Alhamdulillah. Il dit bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Il a envoyé des lettres à qui? À Kisra. On va en parler. Il a envoyé des lettres à qui? À Najashi, le négus. On va en parler. Il a envoyé des lettres aux empereurs, aux têtes. Et quand il envoyait des lettres, de façon générale, il disait quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et il disait, yarhamukallah, de Mohammed, l'envoyé d'Allah. Ah, au début, c'était quoi? Mohammed, fils de Abdullah. Il dit non. Mohammed, l'envoyé d'Allah. Khlas. Ici, il n'y a pas de honte ou de complexe ou de abadan. Au début, il avait un intérêt, il n'y a plus. Mohammed, l'envoyé d'Allah. Khlas. Salamun ala man ittaba' al-huda. Le prophète, alayhi salam, il dit pas, salamun alaykum. Il dit pas que la paix soit sur vous. Pourquoi? Et de là, on prie certains savants. C'est parmi les preuves qu'ils ont dit ou qu'ils ont utilisé pour dire que quoi? Un non-musulman, on dit pas assalamu alayka. D'accord? On ne dit pas que la paix soit sur toi. Salam, tu peux le dire. Et ici, il y a plusieurs preuves. À la kulihal, parmi les preuves, il y a ce hadith-là, ici, authentique. Qu'on va voir où les hadiths authentiques. Salamun ala man ittaba al-huda. Que le salut soit sur ceux qui suivent la guidée. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il balançait. Ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. On vous invite à l'islam. Voilà c'est quoi la religion. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, etc. Et le prophète alayhi salatu wassalam les a enjoints à suivre la vérité. Et regardez. Quand le prophète alayhi salatu wassalam les invitait. Est-ce qu'ici il y avait ash-shidda? Il y avait la dureté. Abadan. Lors des combats, quand ils étaient dans le harb, dans le combat lui-même. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam il disait j'ai peur? Ou il ne prenait pas l'épée, ou alors il disait non, non, c'est le combat, khlas. Et on avait dit le premier jihad qu'il y a eu, c'est quoi, jihad? Ad-daf. La défense, il se défendait. La légitime défense. Donc il se défendait, il frappait, il était très dur. Mais dans waqtu da'wa al-lin, la douceur est demandée. La sagesse est demandée. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al-hasana. Regardez al-lin. Là, il ne les a pas provoqués. En disant, vous êtes des égarés, vous êtes des criminels, vous êtes des associateurs, vous êtes... Il utilise des mots ici qui va les yani, gagner leur cœur. Qui va ici les pousser à écouter les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Il se présente le prophète, il présente Allah, il se présente lui, il leur passe le salam, ensuite il disait quoi? Quand il parle par exemple à Kisra et autres, au grand empereur de Kisra. Regardez, il le glorifie. Khlas, t'es grand, mashallah, raké, t'es bien. Après, il envoie, alhamdoulilah. La porte, elle est ouverte. Le qalb, il est mftouh, alhamdoulilah, il est ouvert. Et si tu peux envoyer la sauce, y a pas de problème. Et ça, c'est quoi? C'est le hikma même dans an-nasa'ih. Dans les conseils. C'est pas quand tu parles à un frère, directement, t'envoies la sauce. Surtout avec les gens au jour d'aujourd'hui, illa man rahim Allah. Je parle pour moi le premier. Même quand tu mets de la pommade, tu mets de la crème chantilly, tu mets, mashallah, ce que tu veux, juste pour lui passer une petite nasiha. Khlas, il gonfle à 200 à l'heure, il part et soit il parle avec le hawa, soit il veut plus parler pendant Allah al-musta'an. Alors imagine, tu vas sec. Comme il faisait le sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Quand une personne a dit Omar ibn al-Khattab, ya Omar, ittaqillah. Amir al-mu'minin, il était représentant, gouverneur, Amir al-mu'minin. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi, moi, ittaqillah? Viens ici, toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wallahi, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que quoi? Vous ne délaissez pas cette parole et cette recommandation, ittaqullah. Regardez, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que vous, quoi, vous délaissez pas ces recommandations. Attaqwallahi azza wa jalla. Il a pas dit pourquoi, qu'est-ce que... Masha'Allah. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Wa idha qila lahu attaqillah, akhadhathu al-izzatu bil-ithm, fa hasbuhu jahannam, wa la bi'sa al-mihad, kama qala jalla jalaluh. Allah azza wa jalla, il parle de quoi? Celui que quand tu lui dis crains Allah azza wa jalla, ici l'orgueil s'empare de lui, et le voilà que quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il refuse la vérité, wal'iyadhu billah. Il dénigre cette vérité, il se détourne de cette vérité, il le prend mal, alors que c'est un conseil, c'est une nasiha pour lui, et sache que celui qui te dit, ittaqillah, sache qu'il a, alhamdulillah, cette personne-là te veut du bien, ça à 100%. Le prophète, il a utilisé la douceur. Donc il leur a parlé avec des bonnes paroles. Al-ulama, ils disent, ça c'est la preuve que quoi? Il ne faut jamais, écoutez bien, jamais dire, comme certaines personnes le disent, celui-là, ça sert à rien de lui faire ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Il est tellement noyé dans les ténèbres et dans l'égarement, jamais il reviendra. Ça c'est une parole qui est très très grave, ayol ahbab, avec les preuves du Coran et de la Sunna. Écoutez juste deux textes prophétiques. Un concernant Uhud, et on en avait parlé. Et un autre texte qui est rapporté dans, par Abu Daoud, et il y a une partie qui reprend cette partie de Abu Daoud qui est dans Sahih Muslim. Dans la version de Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Et vous connaissez, je pense, ce hadith, avec une bonne chaîne de transmission, il y avait deux hommes à l'époque de Bani Israël. Et il y avait un, mashallah, il était mashallah dans la religion. Ça veut rien dire, attention. Innama al-a'malu bi al-khawatim. Wa innama al-a'malu bi al-niyyat aussi. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle qu'il y avait deux hommes à l'époque de Bani Israël. Un, il faisait toujours ad-da'wa. Ittaqillah, arrête, mashallah, ça c'est la voie de la guidée, etc. Ad-da'wa, mashallah. L'autre, Allah al-musta'an, comme on dit à l'ouest. Il voulait jamais écouter. À une fois, il a insisté. Il a dit, Allah idik, arrête, qu'Allah te guide. Il le faisait ad-da'wa, il appelait à la religion. Il lui a dit quoi? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala arsalak, il t'a envoyé pour me surveiller? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit l'akhour? Regardez. Il n'a pas patienté. Ici, il a dépassé al-hudud, les limites. Il a dit, Allah te pardonnera jamais. Il a dit, Allah te pardonnera jamais toi. Pourquoi? Pourtant, il faisait du bien. Il l'appelait à l'islam, il l'appelait. Il a dit à la fin, Wallah, toi, Allah, il te pardonnera jamais. Les deux mourront, comme il le relatait dans le hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, voilà qu'il les ressuscitera et qu'il dira, qui s'est permis de juger à ma place? Dans le sens, qui a voulu porter un jugement à ma place? Celui qui a porté ce jugement rentre en enfer et l'autre rentre au paradis. Et dans une version de Muslim, prophète alayhi salatu wassalam, il dit des paroles qui rapprochent de ces sens-là, et il dit, il y a un homme qui a dit, Allah ne pardonnera pas à un tel, cet homme-là s'est vu pardonner, celui qui a dit, celui qui faisait le mal ou qui était égaré, il s'est vu pardonner, tandis que l'autre s'est vu quoi? Rentrer en enfer, wal'iyadu billah. À cause de quoi, ayyuhal ahbab? Porter un jugement. Ici, dans la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, subhanallah. Ça, c'est la preuve que l'islam, c'est la vérité. Parce que si, quand vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle des manquements dans le prophète alayhi salatu wassalam dans certains cas, est-ce que ça, c'est pas la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam est vraiment un prophète et un envoyé? C'est la preuve. Sinon, est-ce que vous croyez que le prophète lui-même, il aurait rappelé des erreurs qu'il a fait? Il n'aurait pas rappelé, ou alors des manquements quelquefois qu'il a eu, ou des moments de faiblesse, il aurait toujours parlé de lui en disant, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, c'est moi abadan. Il rappelle le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith, authentifié par Cheikh Al-Albani et avec une chaîne de transmission authentique. À la bataille de Uhud, on l'avait vu. Quand ils ont cassé une dent au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Comment voulez-vous, ou un peuple qui a cassé la dent au prophète, ne réussira jamais. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Au prophète alayhi salatu wassalam. Regardez les gens quand ils disent, par exemple, quand ils voient que quelqu'un lui fait beaucoup de mal, qu'est-ce qu'il a tendance à dire? Et wallah, on les a entendu souvent ces paroles. Celui-là, wallah, tu vas voir qu'est-ce qu'il va manger au jour de la résurrection. Celui-là, tu vas voir qu'est-ce que je vais demander devant Allah sur lui. Celui-là, s'il se repent pas, khlas, je sais pas où il va atterrir. Celui-là, je sais pas ce qu'Allah Azza wa Jalla lui fait. Attends, patiente. Celui-là qui a fait cette injustice, tu vas voir qu'est-ce qui va lui arriver. Est-ce que ça c'est autorisé en islam ou pas? Est-ce que toi tu connais le ghaïb? Est-ce que toi tu as droit de constater une chose? Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans Sahih, celui qui se rend à la mosquée attesté qu'il a le quoi? Al-Iman, la foi. Khalas, quelqu'un qui vient à Jama'a, husnul dhan, on a la bonne opinion du musulman. Attesté qu'il a la foi. Khalas, alhamdoulilah. Maintenant toi tu n'as pas à dire, oui mais son intention, t'es qui? Et t'as quoi à gagner? Toi c'est ton problème, son intention ou pas? C'est pas ton problème. Toi tu juges l'action. Amma s'il fait du mal à l'islam ou autre, ça c'est autre chose. Mais de façon générale, tu juges l'action. C'est pas tes affaires le reste. Khalas. Ici, concernant le fait qu'une personne, un musulman, fasse un acte de pervers, est-ce qu'on a droit de dire ça c'est un acte de pervers? Oui ou non? Oui, parce que ça c'est un constat, et on a des preuves du Coran et de la Sunna. Amma binisba, ici tout ce qui concerne par exemple, alamul ghaib, al-mutlaq, tout ce qui concerne l'invisible absolu, qui appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que toi tu as le droit de rentrer? Même le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas le droit de rentrer. C'est pour ça qu'on a dit, si quelqu'un te dit mat as-sa'a, qu'est-ce que tu dis? Allahu a'lam. Tu n'as pas le droit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wa salam, il ne sait pas. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبَ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى لِحَبِيبِنَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et qu'est-ce que tu en sais de l'heure? Peut-être que l'heure elle est très proche. Même le prophète عليه الصلاة والسلام ne sait pas quand elle vient l'heure. Donc ça c'est alam ou le ghaib. Ça c'est le monde invisible. Le prophète عليه الصلاة والسلام, Allah a révélé au prophète quand il a dit, ce peuple ne réussira pas. Un peuple qui a cassé les dents d'un prophète ne réussira pas. Le prophète عليه الصلاة والسلام a reçu ce verset coranique. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Allah peut accepter leur repentir ou peut les châtier car ils sont injustes. Na'am, Allah y rappelle, ils sont injustes. Fa innahum zalimun, ils sont injustes. Lakin Allah peut leur pardonner comme il peut les châtier. Mais ça c'est pas ça relève pas de l'affaire du prophète alayhi salatu wasalam. Que dire de moi et de toi? Celui-là il est en enfer, celui-là au jour de la résurrection il va goûter à ça. Celui-là tu vas voir demain qu'est-ce qui va lui arriver. Tu es qui toi? Soit tu es un sihar qui ment, soit tu es un majnoun, ou soit tu es quelqu'un qui n'a pas compris qu'est-ce que c'est que l'islam vraiment dans les détails. Donc on n'a pas le droit. Allahu a'lam, même si quelqu'un t'opprime, il te fait des injustes, injuste sur injuste, dit Allahu a'lam. Ici, quand les limites d'Allah azzawajal sont dépassées, jusqu'à ce qu'on te fasse du mal, on touche ton honneur, on touche ta religion, le mieux à faire, c'est quoi? Ad-du'a pour cette personne qu'Allah azzawajal il le guide. Lakin, dans des cas, c'est autorisé de faire du'a contre cette personne. Si elle ne cesse pas, et tu lui exhortes, et elle ne cesse pas, tu as le droit, comme le prophète alayhi salallahu alayhi sallam a fait, du'a contre de nombreux injustes, et il a cité leur nom. Lakin, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Azza wa Jalla dit, il parle de quoi? Des gens de bien, des bienfaisants. Et il dit quoi? والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, ceux qui refoulent leur colère. والعافين عن الناس, et qui pardonnent aux gens. والله يحب المحسنين, et Allah aime les bienfaisants. Ça c'est les bienfaisants, c'est bien. Lakin celui-là, oui, tu fais du'a contre lui, d'accord. Mais de là à dire, celui-là il va lui arriver ça, celui-là il est en enfer, celui-là il est abadan, tu n'as pas à dire ça. Allahu a'lam. Peut-être que toi, demain, tu vas sortir de la religion. Lui, il va se repentir, il sera meilleur que toi. Allahu a'lam. Donc ça, c'est une chose ici qu'on doit pas prendre à la légère et on doit faire très attention. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a respecté les étapes. Et ici, rapporté par Muslim, selon Anas, le prophète, alayhi salatu wassalam, a écrit, dans le hadith de Muslim, à trois grands gouverneurs. Trois grands rois. Trois grands, ici, orgueilleux, si on veut. Qui se prétendaient être je ne sais qui. Alors qu'ils ont oublié que quoi? Ils ont créé de terre, ils mangent ce qui vient de la terre, ils retourneront sous la terre. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu wa la yabqa illa wajhi wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ils ont oublié ça. Beaucoup oublient ça. Même si Allah te donne des richesses, n'oublie jamais ça. At-tawadu, la modestie est demandée dans toute situation. Ici et pour toute personne, même si tu es riche ou tu es pauvre, la modestie. Ici, c'est trois personnes qui étaient des grands gouverneurs. C'était qui ces trois personnes? Il a envoyé des lettres à d'autres personnes, c'est-à-dire des lettres qui les invitaient à l'islam. Mais ici, dans le hadith rapporté par un musulman, selon Anas, à ces trois personnes-là, il y avait Kisra. C'était l'empereur de Perse. Kisra. L'empereur de Perse, qui maintenant, ça correspond à quoi? La Perse, c'est l'ancien? C'est l'Iran. L'empereur de Perse. D'accord, Kisra. Et ici, comme disent les ulama, tous les empereurs de Perse s'appelaient Kisra. C'est pas que lui. Tous les empereurs de Perse s'appelaient Kisra. Il envoyait une lettre ici à Caïsar, l'empereur de Rome. D'accord? Si on veut, on peut l'appeler en français César. Et ici, il a envoyé une lettre à An-Najashi, le Négus, qui était en Abyssinie, qui maintenant est l'Éthiopie. Donc ces trois-là, Kisra, Qaisar et An-Najashi, quand on parle de An-Najashi, c'est quoi? C'est pas celui qui s'est converti à l'islam. C'était celui qui l'a remplacé, qui s'était pas converti à l'islam. C'était celui qui est venu après An-Najashi dont on connaît et on a rapporté l'histoire, qui a accueilli ici lors de l'Hijra, la première et la deuxième immigration, As-Sahaba radiyallahu anhu wa ardaum, et qui les a protégés et qui a embrassé l'islam et dont le prophète alayhi salatu wa salam a prié Salatul Ghaib sur cette personne-là. D'accord? Ça, c'était un autre négus, si on veut, An-Najashi. Comme on appelait les rois en Égypte, on les appelait tous Pharaon. Ce n'est pas un Pharaon. D'accord? On les appelait tous Pharaon. Clair. Et donc, ces personnes-là ont reçu la lettre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il écrivait ces lettres-là, on avait dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, du messager d'Allah alayhi wa sallam à un tel, il les invitait à l'islam, etc. Donc il leur faisait quelques éloges. Ensuite il les invitait à l'islam et il rappelait des versets coraniques. Ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa bague. Il avait une bague. Khatim. Le prophète alayhi salatu wa sallam. Et had al-khatim, cette bague-là, il la mettait, comme on va voir les hadiths authentiques rapportés par al-Bukhari au Muslim, dans des versions de Muslim et autres, il la mettait sur sa main gauche. D'accord? Sur sa main gauche. Le plus authentique, ici, qui est rapporté. Et la majorité des hadiths, ahadith authentiques, c'est que le prophète mettait sa bague sur sa main gauche. Et ici, dans l'auriculaire. Donc, dans le petit doigt de la main gauche. D'accord? Alayhi salatu wa sallam. Il avait une bague en argent. Car on sait que la bague en or, elle est illicite. Une période, c'était autorisé à l'époque du prophète. Ensuite, ça a été aboli et ça a été rendu illicite par le prophète, alayhi salatu wa sallam. Que celui qui veut avoir un anneau de feu, qu'il porte une bague en or, wal'iyadu billah, comme l'a rappelé le prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc ici, il avait une bague en argent. Dans l'auriculaire gauche. Cette bague-là, al-raji' min ahli al-'ilm, d'après les hadiths, une version de muslim. D'accord? Il la mettait comme ça, et ici, on va considérer qu'il y avait ce qu'on appelle le cachet. Le cachet. Il avait écrit Muhammadun Rasulu Allah. D'accord? Sur trois lignes. Comme il le relaté dans Sahih Muslim. Donc sur trois lignes. Il y avait Muhammad. D'accord? Muhammad. Il y avait en dessous l'envoyé. Et il y avait en dessous Allah. D'accord? Donc cette bague-là, on va dire, ce cachet-là, il était retourné à l'intérieur de sa main. D'accord? Il était retourné à l'intérieur. Vers la paume de sa main. C'est pour ça que certains savants disent si vraiment ils veulent faire comme le prophète alayhi salatu wassalam a fait, c'est-à-dire que la partie qui est embellie de votre bague, ou qui a un cachet ou quoi que ce soit, ou une écriture, c'est autorisé. Lakin, c'est, il faut la retourner à l'intérieur. Certains disent ça. Parce que il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam l'avait retourné à l'intérieur. Pourquoi? Parce que cette bague, il l'utilisait pourquoi? Pour, de sorte, yani, qu'il l'utilisait pour faire des cachets. Des sortes de cachets. Rappeler et prouver sorte de signature, si on veut. Une sorte de signature. Car ici, il est relaté dans un hadith de Al-Bukhari wa Muslim. Selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu warda, lorsque l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa salam, voulut écrire au nom arabe, Al-Ajam, ici les noms arabes, ceux qui n'étaient pas arabes. Ici, on lui dit, Ya Rasulallah, oh messager d'Allah, les arabes, ici, ils ont l'habitude de voir un cachet dans les lettres. Donc ici, peut-être qu'ils te liront pas si tu mets pas ce cachet-là. Donc ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, il se fit faire alors un cachet, monter en bague, et il me semble voir encore sa blancheur à l'intérieur de sa main. Sa blancheur à l'intérieur de sa main, rapporté par al-Bukhari au Muslim. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, la marque qui était gravée sur la bague cachée de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc ici, là, le cachet. Il était écrit Muhammad sur une ligne. Ar-Rasoul, messager sur l'autre ligne, et Allah sur une troisième ligne. C'est pour ça que vous voyez quelquefois, ici dans des livres, ou alors ici dans des biographies, des livres de biographie du prophète, ou des sites internet, etc., ils mettent ici ce sorte de logo, Muhammad, ensuite Ar-Rasoul, ensuite Allah. D'accord? C'est ce qu'il avait le prophète dans sa bague. C'est ce qu'il avait le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa bague. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ça fait partie de la sunnah? De mettre une bague dans la main gauche, ici sur l'auriculaire. Ça fait partie de la sunnah ou pas? Al-Aad, ça rentre dans les choses, yani, dans les choses qui sont, d'ordre personnel, de goût personnel, d'habitude du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Sunnah, al-Jibilliya, si on veut. Donc c'est tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. D'accord? Ou a dit. D'accord? Mais il n'a pas fait ça à titre d'adoration, ou en vue de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Shay'un aadi. Une chose habituelle qu'il avait le prophète alayhi salatu wassalam. Goût personnel. Donc ça, si tu le fais en vue de prouver ton amour envers le prophète alayhi salatu wassalam, incha'Allah ta'ala, bi'idnillah, peut-être tu en auras la récompense, incha'Allah ta'ala. Amma de se dire, si tu fais ça, tu as fait une sunnah, tu auras telle récompense, abadan. Non. Ça, c'est des choses qui rentrent dans, yani al-adat, les choses habituelles du prophète alayhi salatu wassalam ou de sahaba, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin, wa minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum ajma'in. D'accord? Ou des compagnons. Donc ici, ça rentre dans les choses habituelles. Donc celui qui nous dit, je veux mettre une bague. Est-ce que c'est autorisé? Oui, ad-dalil, le prophète, il en avait une. Khalas. Est-ce que les compagnons en avaient? Ici, al-khulafa. Ici, ceux qui sont venus, les compagnons et les quatre compagnons, Abu Bakr, Umar et Uthman, il est rapporté que certains d'entre eux avaient une bague. En argent, oui. En or, c'est interdit. Pas de problème. La main droite ou la main gauche, tu fais comme tu veux. Pourquoi? Ça, c'est dans des choses qui concernent, ou ça rentre dans des choses qui concernent les habitudes du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour ça, les savants, ils ont dit, tu la mets à droite, à gauche, c'est comme tu veux. Celui qui veut vraiment faire comme le prophète, il la met à gauche, dans l'auriculaire gauche, et il retourne la chose qui est embellie à l'intérieur. Il retourne cette chose-là, par contre. Ah, mais ici, c'est pour vous montrer qu'il y avait une nécessité quant au fait que le prophète l'a retourné. C'était pour les cacher. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a fait. Oui, si on veut faire comme lui, tu fais. Si tu veux mettre à droite ou à gauche, il n'y a pas de problème. Amma, quelqu'un va nous dire maintenant les chaînes ou les gourmettes. Est-ce qu'on peut ou on peut pas? Est-ce que le prophète les avait? Est-ce qu'il est rapporté que Sahaba avait? Non. Quelqu'un va dire oui, mais ça fait partie des choses de dunya. Fait au moins la dunya, oui, il y a une chaîne ou bien il y a une gourmette, donc il n'y a pas de mal tant qu'il n'y a pas une preuve du contraire. Lakin, le prophète alayhi salatu wassalam, la'ana, il a maudit qui? Celui qui ressemble aux femmes parmi les hommes, et les hommes qui ressemblent aux femmes, et les femmes qui ressemblent aux hommes, ils sont mal'ounin wal 'iyadu billah, wa man la'anahu Allah kharaja min rahmatillah 'azza wa jalla. C'est grave quand même, celui qu'Allah 'azza wa jalla maudit, il sort de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de là, les savants, ils ont dit ar-raji' min aqwalil 'ulama, hadha la yajuz, c'est interdit. Pourquoi? Ça, c'est une chose qui est spécifique aux femmes. Les gourmettes, les chaînes, c'est autorisé, les boucles d'oreilles pour les femmes. Est-ce que ça c'est typique des hommes? Ça, c'est pas typique des hommes. Et ça n'a pas existé à l'époque du prophète. Donc, la parole la plus prépondérante ne met ni chaîne, ni gourmette. Emma, une montre, oui. Pourquoi il y a une nécessité? C'est pour regarder l'heure. Il y a une cause, il n'y a pas de problème. Mais même une belle montre, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a une raison, il n'y a pas de problème et c'est pas spécifique aux femmes. Emma, les chaînes et les gourmettes à la base, c'est spécifique aux femmes. C'est pour ça qu'on dit et on recommande même aux frères et aux sœurs, même aux enfants, à partir du moment où c'est des garçons, éviter de leur mettre des bijoux autres que quoi? Une bague ou bien une montre. هذا هو يعني الاولى ce qui est prioritaire والله تعالى اعلم واحكم. Clair? Donc ici le prophète عليه الصلاه والسلام dans un hadith rapporté par Muslim, il est relaté clairement qu'il mettait sa bague sur ou dans son auriculaire gauche, et ceci est une chose يعني un sujet vaste. Celui qui veut le mettre dans sa main gauche, il le met, dans sa main droite, il la met. على كل حال, le prophète, il a envoyé des lettres. Parmi ces personnes qui ont reçu la lettre, en premier lieu, il est relaté dans Sahih qu'il a envoyé d'abord à qui? À César. Appelé, avec une traduction approximative, d'après le nom, qu'on peut lire, Héraclius. Héraclius, c'était César. D'accord? Qu'on dit en arabe, on l'appelle comment? D'accord. Donc ici, César a reçu la lettre. César n'a pas embrassé l'islam, mais César a reconnu la notoriété du prophète, alayhi salatu wassalam. Et regardez l'intelligence qu'avait César à l'époque. Donc Héraclius. Regardez comment il va parler. Regardez comment il va s'adresser à un compagnon qui, lors de la lecture de ce courrier, ce compagnon n'était pas encore converti à l'islam. Mais ensuite, ce grand compagnon, radiyallahu anhu arda Abu Sufyan, a embrassé l'islam. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore musulman. Mais il était proche de la tribu du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est lui qui est venu pour ici faire l'intermédiaire. Ou plutôt pour répondre aux questions de César. Et c'est une lettre qui est très connue ici. Et elle a été retirée, cette lettre-là, d'un hadith rapporté par Al-Bukhari, dans son Sahih, une longue lettre, un long courrier qui a été adressé à Héraclius César. Et dans ce courrier-là, Héraclius, il a reconnu la notoriété du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y a eu César, il y a eu une lettre qui a été envoyée aussi à qui? Kisra. Et il y a eu une lettre qui a été envoyée à Najashi et à d'autres. Mais cela, il y a des hadiths authentiques qu'on va citer, incha'Allah ta'ala, et on va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, comment il les a appelés à l'islam, et quelle morale on doit prendre de ces courriers qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, et ceci, incha'Allah ta'ala, on le verra la semaine prochaine, car le temps ne nous permet pas, et j'avais promis que j'essaie à chaque fois un peu de temps pour les questions-réponses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair.